Deuxième livre des Chroniques, chapitre 35. Or Josias célébra la Pâque à l'Éternel dans Jérusalem, et on égorgea la Pâque, le 14e jour du premier mois. Et il établit les sacrificateurs en leur charge, et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aussi aux Lévites qui enseignaient tout Israël, et qui étaient saints à l'Éternel, laissez l'arche sainte au temple que Salomon fils de David roi d'Israël a bâti, vous n'avez plus la charge de la porter sur vos épaules, maintenant servez l'Éternel votre Dieu, et son peuple d'Israël, et rangez-vous selon les maisons de vos pères, selon vos départements, et selon la description qui a été faite par David roi d'Israël. Et la description faite par Salomon son fils. Aidez vos frères les enfants du peuple, dans le sanctuaire, selon les départements des maisons des pères, et selon que chaque famille des Lévites est partagée. Et égorgez la Pâque. Sanctifiez-vous donc, et en apprêtez à vos frères, afin qu'ils la puissent faire selon la parole que l'Éternel a donnée par le moyen de Moïse. Et Josias fit présente à ceux du peuple qui se trouvèrent là, d'un troupeau d'agneaux et de chevreaux, au nombre de 30 000, le tout pour faire la Pâque, et de 3 000 bœufs, et ces choses-là étaient des biens du roi. Ses principaux officiers firent aussi de leur bon gré un présent pour le peuple, aux sacrificateurs et aux lévites, et Ilkija, Zacharie, et Jéiel, conducteurs de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs, pour faire la Pâque, 2 600 agneaux aux chevreaux, et 300 bœufs. Et Conania, Semaïa, et Nathanaël ses frères, et Azébia, Jéiel, et Josaba, qui étaient les principaux des Lévites, en présentèrent 5 000 aux autres pour faire la Pâque, et 500 bœufs. Ainsi le service étant tout préparé, les sacrificateurs se tinrent en leur place, et les Lévites en leur département, selon le commandement du roi. Puis on égorgea la Pâque, et les sacrificateurs répandaient le sang, le prenant de leurs mains, et les Lévites écorchaient. Et comme ils les distribuaient selon les départements des maisons des pères de ceux du peuple, ils mirent par l'holocauste pour l'offrir à l'Éternel, selon qu'il est écrit au livre de Moïse, et ils en firent ainsi des bœufs. Ils retirent donc la Pâque au feu, selon la coutume, mais ils cuisirent dans des chaudières, des chaudrons, et des poêles, les choses consacrées, et les firent courir parmi tout le peuple. Puis ils apprêtèrent ce qu'il fallait pour eux, et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, enfants d'Aaron, avaient été occupés jusqu'à la nuit en l'oblation des holocaustes et des graisses, c'est pourquoi les Lévites apprêtèrent ce qu'il fallait pour eux, et pour les sacrificateurs, enfants d'Aaron. Et les chantres, enfants d'Azaph, se tinrent en leur place, selon le commandement de David, et d'Azaph, avec les enfants d'Aiman, et de Jédutun le voyant du roi, les portiers aussi étaient à chaque porte, et il n'était pas besoin qu'ils se détournassent de leur ministère, car les Lévites leurs frères apprêtaient ce qu'il fallait pour eux. Et ainsi tout le service de l'Éternel en ce jour-là, fut réglé pour faire la Pâque, et pour offrir les holocaustes sur l'autel de l'Éternel, selon le commandement du roi Josias. Les enfants d'Israël donc qui s'y trouvèrent, célébrèrent la Pâque en ce temps-là, et ils célébrèrent aussi la fête solennelle des pains sans levain pendant 7 jours. Or on n'avait point célébré en Israël de Pâque semblable à celle-là, depuis les jours de Samuel le prophète, et nul des rois d'Israël n'avait jamais célébré une telle Pâque comme fit Josias, avec les sacrificateurs et les Lévites, et tout Juda et Israël, qui s'y étaient trouvés avec les habitants de Jérusalem. Cette Pâque fut célébrée la 18e année du règne de Josias. Après tout cela, et après que Josias eut rétabli l'ordre du temple, Nécho roi d'Égypte monta pour faire la guerre à Carchémie sur l'Euphrate, et Josias s'en alla à sa rencontre. Mais Nécho envoya vers lui des messagers, pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre nous, roi de Juda ? Quant à toi, ce n'est pas à toi que j'en veux aujourd'hui, mais à une maison qui me fait la guerre, et Dieu m'a dit que je me hâtasse. Désiste-toi donc de venir contre Dieu, qui est avec moi, afin qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne voulut point se détourner de lui, mais se déguisa pour combattre contre lui, et il n'écouta point les paroles de Nécho, qui procédait de la bouche de Dieu. Il vint donc pour combattre dans la campagne de Megiddo. Et les archers tirèrent contre le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, ôtez-moi d'ici, car on m'a fort blessé. et ses serviteurs l'ôtèrent du chariot, et le mirent sur un second chariot qu'il avait, et le menèrent à Jérusalem, où il mourut, et il fut enseveli dans les sépulcres de ses terres, et tous ceux de Juda et de Jérusalem menèrent deuil sur Josias. Jérémie aussi fit des lamentations sur Josias, et tous les chanteurs et toutes les chanteuses en parlèrent dans leurs lamentations sur Josias, et ces lamentations se sont conservées jusqu'à ce jour, ayant été données en ordonnance à Israël. Or voici ces choses sont écrites dans les lamentations. Et le reste des faits de Josias et ses actions de piété, selon ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, ces faits, dis-je, les premiers et les derniers, voilà ils sont écrits au livre des rois d'Israël et de Juda.